Deuxième temps de notre série consacrée aux usages de la mer dans la fabrique de l'histoire. Aujourd'hui, le documentaire est consacré aux chasseurs et pilleurs d'épaves en Méditerranée. Cette série sur les usages de la mer, nous vous parlerons demain des populations qui peuplent les grèves et les rivages, et jeudi du regard porté par notre pays sur son espace maritime. Quant à aujourd'hui, le documentaire signé Carole Peisser et Renaud Delmar plonge en Méditerranée, c'est le cas de le dire, à la recherche de l'archéologie sous-marine et explore les relations tendues entre plongeurs occasionnels, pilleurs d'épaves et archéologues sous-marins, justement à propos de la découverte possible de grandes épaves en Méditerranée. Avec Michel Lourd, Franca Sibecchini, Florence Richer, Luc Van Rel et Jean-Pierre Joncheret, on va partir en Méditerranée, au large de Marseille, à la recherche de ces épaves et de ceux qui les traquent. Premier objet qu'on a vu au milieu des laminaires, d'immenses algues, c'était un bout de tuyau en cuivre. Et là, on s'est dit, bingo, on a retrouvé Charcot. Charcot, l'explorateur arctique et antarctique dont le bateau a coulé en Islande à la suite d'une tempête en 1936. Chasseurs et pilleurs d'épaves en Méditerranée. Mon travail, c'est de trouver les épaves, de les étudier. Et je me refuse à faire entrer les questions de nombre de morts, de conditions de naufrage. Et nous, on reconstitue des moments difficiles, des fortunes de mer, qui sont des infortunes de mer plutôt. Un bateau n'a rien à faire au fond de la mer. D'ailleurs, en peu de temps, il ne ressemble plus à un bateau, mais à un habitat pour poissons. Un habitat aux formes étranges et à l'ambiance tout à fait particulière. Quand on plonge sur une épave, on peut flotter, suspendu entre deux eaux, contempler ces coursives encroûtées d'anémones au jadis marché des marins, ou regarder au fond d'un cale par le hublot, imaginer une cargaison dispersée depuis longtemps dans l'océan. Ou peut-être pas, parce que depuis toujours, en cas d'avarie, l'homme a cherché à récupérer la marchandise transportée par bateau. Au début, l'homme était limité par la profondeur qu'il pouvait atteindre en apnée, en tenant une pierre dans ses bras. Ensuite, les scaphandriers pieds lourds sont allés un peu plus loin. Et maintenant, un plongeur en scaphandre autonome peut travailler à l'air jusqu'à 60 mètres de fond. Quand le naufrage avait lieu en eau profonde, l'épave pouvait rester des siècles dans la vase et l'anonymat avant l'invention du sonar. Et puis, comment y accéder? Un ROV, véhicule sous-marin téléguidé, est un engin très coûteux qui nécessite un bateau scientifique et une équipe d'ingénieurs et d'experts en informatique pour le piloter. Je vous écoute. Alors on vient de sortir là du port de Bastia, on va aller travailler sur une position qui est autour de 10 nautiques par le travers de Bastia là dans l'est. Je vous préviens à la mise à l'eau du robot et à la fin, à la remontée du robot, on est mis. Chaque année, l'André Malraux, le bateau scientifique du département des recherches archéologiques sous-marines du ministère de la Culture et de la Communication, autrement dit le DRASM, fait plusieurs missions d'exploration. Fin 2015, une équipe d'archéologues italiens et français est à bord pour une mission au large de la Corse entre la France et l'Italie. Parmi eux se trouve Guido Gay, fabricant de sonars, l'archéologue Franca Cibecchini et Michel Lourd, le directeur du DRASM. Briefing en salle de travail. Briefing en salle de travail. On commence avec l'expertise de présumé Francesco Crispi. On n'a pas beaucoup de doutes, mais bon. Et l'épave qui a été retrouvée par Guido, et qui après nous donnera peut-être quelques informations en plus sur la configuration du site sous-marin, a été coulée en 1943 par mémoire par les Saracens, par les sous-marins Saracens. C'est à peu près ils faisaient 7500 tonnes, donc à ramener au Danton que vous avez vu qui faisait 18300. Donc il est un peu plus court, 136 mètres. 8 mètres en élévation, Fred, tu me demandais. Voilà, 13 mètres de large, voilà, à peu près l'idée. Et selon les sources, si je m'en souviens bien, il parlait d'une possibilité qui s'était cassée en deux. Oui, mais moi j'ai vu sur mon sonar une cible seulement. Un cible seulement. C'était pas mon but d'explorer l'épave, hein, seulement de l'identifier. Alors avec la proue, j'ai eu des éléments suffisants pour l'identification. Bon. On y est dans 5-10 minutes, ouais. Donc de toute façon on avisera sur le fond. Pour tourner, on a 4 heures de batterie. C'est ce qu'ils ont vérifié là, hier soir. Et pour le reste, 6000 photos. Donc a priori, en une plongée, on va pouvoir faire l'ensemble du site. Je vois quelque chose là. Faudra allumer les lumières s'il te plaît pour la caméra là pour voir quelque chose là. Franck, bah j'écoute. Tu peux venir à tout ce qui te là. C'est l'encre qui est au sol devant toi, c'est les traces que vous voyez. Ah ouais, moi j'ai les deux écrans, j'ai l'écran de ce que voit le ROV et puis l'écran HD de la caméra HD à côté. Denis Metzger, commandant de l'André Malraux, dit le Pacha. Ah, c'est une belle épave, hein. Elle est vachement grande, elle est très très belle, enfin très très belle pour une épave. Et elle a des aspects un peu avec ces espèces d'algues là blanches qui pendent. Ça me fait penser aux maisons coloniales ou maisons de Louisiane avec ces herbes qui pendent. Là, ça fait bizarre. Et ça c'est quoi là qu'on voit ? Là c'est la partie arrière qui a l'air pas mal écrasée. Alors à savoir si c'est des câbles de filet qui sont dessus. Mais là, ça, on voit pas grand-chose. C'est un peu fouillis là, de ce côté-là. Mais je pense que ça va être la partie arrière. Pas mal de vie dessus. Hein. Ah, énormément. Il y a des congres, il y a des bajots, il y a plein d'alvins. Regarde, on dirait qu'il y a eu une écloserie d'œufs là, parce qu'ils sont, ils vont pas tarder à se faire bouffer. Hein. Là, on dirait que l'arrière est enfoncé complètement dans le sable. Là. C'est bizarre. Oui, c'est une partie ronde, là. C'est ouais, ça ouais, qu'on pense. Ouais. Ça ressemble à la poupe un peu, mais elle a l'air bien enfoncée. Quoi. Et normalement, on a une image aussi claire. Ça se passe aussi bien que ça. Sur des profondeurs comme ça, on a souvent de l'eau claire, quoi. Parce que bon, tiens, on voit la forme de la poupe derrière. Sur des fonds comme ça, ouais, en général, c'est clair. Quoi. Mais ça peut arriver que sur des gros coups de mer, avec le courant, etc., ça puisse être remué. Mais bon, dans les 500 mètres, c'est toujours relativement clair. Quoi. Je trouve ça assez émouvant de voir ce bateau. On doit être les premiers de l'avoir vu depuis 1943. Ah ouais. Ben, c'est émouvant, surtout par le fait qu'on sait le nombre de morts qu'il y a eu dessus, quoi. Et vraiment, c'est toujours ce caractère du naufrage qui est associé à la mort un peu et qui rend ça émouvant, quoi. Là, on est sur le flanc d'abord avant. De compression sur la coque. Si on pouvait aller par là, on pourrait mettre la médaille par là. Tu veux la mettre maintenant pour ça, là, comme ça, soit si on a un problème technique, il y a. Ok, that's right. On va la mettre par là, la médaille. À côté des chômards, tu vois, il y a les deux chômards, là, tu as un espace. Avec le plomb, ça va tomber direct. On laisse la médaille. Oui, bien sûr. On va mettre la ferraille, côté de ferraille. Alors, dis-moi, Michel, pourquoi nous repartons? Ce que nous avons fait ce matin, donc, c'est un paquebot italien, un transport de troupes qui a été torpillé en 1943, qui est une épave extrêmement importante pour l'histoire de l'Italie. Il y a eu près de 1000 personnes qui ont disparu dans ce naufrage. Et l'épave a été trouvée il y a un peu plus d'un an. Et on avait juste une mauvaise photo et on voulait avoir une vision globale du site. Et donc, on a proposé aux Italiens de venir parce que c'est un bateau qui battait pavillon italien. On est quasiment à mi-distance entre l'Italie et la France, entre l'Italie et la zone italienne et la Corse. Et effectivement, on est à la fois très profond et quand même, ce qu'on observe, c'est qu'il y a toute une série d'épaves qui jalonnent une zone frontière qui se trouve entre 350 et 500-600 mètres de fond. Et on a enregistré presque une quarantaine de découvertes d'épaves depuis 2 ou 3 ans. On en a identifié et expertisé un certain nombre. Il en reste notamment, c'est ce que nous allons faire cette semaine. On est un peu en frange, on est quand même dans notre métier, nous, de documenter toutes les épaves, parce qu'on les documente tous, hein, toutes. Et puis on retient celles qui présentent un indéniable intérêt historique, archéologique ou artistique. Mais pour aller vérifier, déjà, il faut qu'on aille les voir toutes. Comment tu as trouvé ta première épave ? J'avais 6 ans de mémoire et c'était dans le sud de la Sardaigne, près de Porto Corallo. Luc Vanrel, plongeur professionnel, photographe, explorateur. Mon père et son ami essayaient de retrouver une épave, trouver quelques amphores, quelques tessons au pied d'un tombant. Et ils étaient persuadés que le site principal était à proximité, et donc ils cherchaient sur des fonds de 40-45 mètres, au pied d'un tombant qui était la partie abrupte d'un plateau quasi horizontal, qui était lui beaucoup plus haut, qui était dans quelques mètres d'eau. Et moi je plongeais déjà tout seul, mais ça c'était dans les habitudes familiales, je dirais, puisque j'ai commencé à apprendre à plonger sur une totale autonomie, donc mon père plongeait seul, il m'a appris à plonger seul et comment s'organiser pour plonger seul. Justement, je précise qu'il ne faut pas, il ne faut jamais plonger seul et toujours être accompagné et se former avec un moniteur breveté. Mais bon, s'étant éloigné, ça se passait comme ça, et il me fixait des limites de profondeur parce que j'avais pas d'instrument. Et la limite là, sur ce secteur là en Sardaigne, c'était ne pas dépasser l'extrémité du plateau, ce qui m'amenait à des profondeurs de 9-10 mètres environ. Et il se trouve que au retour d'une plongée, mon père trouve sur la plage une amphore que j'avais sortie, en me disant « Mais où tu as trouvé ça ?» Ben, je lui dis « Ben, là, sur le plateau, l'épave, elle est là. » Et donc, c'est comme ça que j'avais trouvé ma première épave. Donc, ça devait être en 1966, de mémoire, à peu près. Quels sont les premiers indices puis savoir quelque chose qui peut être une épave? C'est très variable en fonction de l'époque. Si on parle de l'Antiquité, évidemment, on pense à épave dès qu'il y a poterie. Et c'est le chargement de poterie, essentiellement des amphores, qui va permettre de préserver l'épave. Parce que les amphores coulent, sont pesantes dans l'eau et vont aider à l'enfouissement rapide de la carène du bateau et du bateau dans le sable ou la vase, et donc protéger le matériel, y compris souvent le bois de l'épave. Donc on pourra même avoir des informations sur les techniques de construction navale, sur la charpenterie de marine utilisée à l'époque. Donc sur l'Antiquité, on a beaucoup d'informations et beaucoup de renseignements, surtout quand on est à proximité d'un des plus grands ports de l'Antiquité, c'est Marseille. Donc forcément, c'est bourré de matériel et d'informations. C'est tout un art de l'observation, et comme souvent en archéologie, la lecture des paysages est essentielle. Et je dois avouer que j'y ai été éduqué assez tôt, d'abord par mon père qui m'a toujours appris dans un paysage aussi bien terrestre que sous-marin d'essayer de détecter les anomalies, ce qui n'est pas naturel, même si ça saute pas aux yeux, et se dire, là, il y a quelque chose qui n'est pas normal dans le paysage, l'action de l'homme doit pouvoir être mise en évidence, il faut chercher des traces même infinies. Jean-Pierre, on peut monter à bord ? Bien sûr, venez, venez. Le bateau de Jean-Pierre Jancheret s'appelle l'Aventure sous-marine, ce qui convient bien à son propriétaire, inventeur d'une trentaine d'épaves antiques, auteur et éditeur des cahiers d'archéologie sous-marine. C'est quoi trouver une épave ? On s'imagine que on va descendre en connaissant des archives et puis qu'on va trouver le bateau encore entier au fond de l'eau. Non, en réalité, la première épave, c'est un jour dans un fond plat de vase. Tu vois une anse d'amphore qui dépasse, tu vois un petit bout de poterie. La plupart du temps, tu vois un poulpe qui a fait une petite maison dans une poterie. Et tu te dis, ah, ça, c'est pas normal. Et finalement, c'est bien moins spectaculaire qu'on ne le pense. Du poulpe, ça nous amène à la poterie. De la poterie, ça nous amène à un ensemble. Et au bout de... on y travaille dessus. Au bout de plusieurs années, on connaît tout sur cette épave. On connaît presque le nom du capitaine. On a même des fois connu le nom du capitaine, d'ailleurs. Au début de la plongée, on se disait c'est autour des écueils, bien sûr, qu'il y a des épaves. Ça se comprend. Ou alors c'est des endroits où il y a eu des batailles navales. Ça aussi, ça se comprend. Mais comme il y a eu des pionniers qui ont plongé avant nous, toutes ces recettes-là sont obsolètes. Alors maintenant, c'est tout simple. Vous prenez un bateau, vous partez au large, vous plongez, mais alors au hasard, il faut plonger là où les autres n'ont pas plongé. Et vous cherchez. Au bout de 100, 200, 500... 1000 plongées, vous trouvez quelque chose, et pas toujours. C'est très très difficile, c'est assez pénible de manger de la vase pendant des dizaines et des dizaines de plongées. Mais c'est la seule méthode, le seul moyen. Le travail de dégagement de l'épave nous prend 95% du temps. Le travail de mesure de topographie de l'épave, 4%. Et remonter les objets, c'est très secondaire. Ça nous prend très peu de temps finalement. Ce qui compte, c'est l'étude en place du gisement. Parce qu'un gisement qui n'est pas bien fouillé, c'est un gisement qui disparaît pour toujours. Alors, les préliminaires, si tu veux, ça dure très longtemps. Ensuite, et c'est pas fini, une fois qu'on a étudié l'épave, une fois qu'on a sorti le matériel de l'épave, il reste l'étude hors de l'eau. Et là, ça prend encore des années. Les recherches en archives, bon, pour ce qui est romain, il y en a très peu. Les photographies, les dessins, les analyses. Je pense qu'une bonne étude d'un gisement antique, c'est 10 ans de travail. Vous avez que je suis... Non, j'ai pas suivi. T'as pas suivi. On y va avec un autre qui se prend à la gare. Autre chose, et après, à l'arrière. Autre chose, le flotteur, t'as pas peur que ça vienne se prendre dans le flotteur ou un truc comme ça? Bah c'est là l'utilité du pinger. On a fait remonter des trucs du fond qui nous servent pour faire les Michel Lourd, quelle est la particularité de l'archéologie sous-marine par rapport à l'archéologie terrestre? Il est évident que notre objectif reste le même que celui de n'importe quel autre archéologue, c'est-à-dire de au moins d'essayer de défricher des pages oubliées ou méconnues de l'histoire de l'humanité avec des éléments de civilisation qui sont un peu différents. On n'est pas dans du bâti urbain, mais on est dans l'architecture navale. On a des natures de mobilier qui ont mal subi ou subi difficilement le séjour sous-marin dont il faut tenir compte. Il y a quand même, il faut bien l'admettre, des spécificités liées à l'archéologie sous-marine. D'abord, le milieu d'intervention qui est quand même plus complexe, qui peut être dangereux. Les profondeurs du même coup justifient qu'on n'intervienne que de manière très ponctuelle sur un site sous-marin. Lorsqu'on travaille à 40 ou 50 mètres, on a très peu de temps chaque jour pour travailler sur le fond. Donc il y a une spécificité. La deuxième, c'est que nous sommes régulièrement confrontés à des sites qui sont extrêmement bien conservés, sauf si évidemment quelqu'un est intervenu dessus à un moment ou un autre de l'histoire du site archéologique, mais en tout cas extrêmement bien conservés, avec des objets qui sont relativement intacts, mais qui ont subi un séjour sous-marin. Or, le séjour dans l'eau salée n'est jamais indifférent au statut de l'objet. Donc, on a des objets métalliques, par exemple, qui vont être extrêmement concrétionnés, corrodés, des objets organiques, le bois, par exemple, qui est gorgé d'eau, il n'y a plus de cellulose, c'est plus qu'une masse d'eau et de bois, donc on a l'impression sur le fond que c'est très costaud, mais en réalité, si on le sort, on le sèche, il se dessique, il part en petits morceaux, etc. Donc, on a la discipline a quand même des spécificités dans les processus de fouille, d'identification, de conservation, de restauration et du même coup de sécurisation à cause des pillages. Voilà. Mais pour l'archéologue lui-même, il faut quand même des compétences, sinon des appétences pour le travail sous-marin, sachant quand même que le travail en milieu immergé impose des risques psychologiques et physiologiques spécifiques dont il faut tenir compte. Tout ça crée un métier un peu particulier, avec un profil peut-être spécifique pour les gens qui font de l'archéologie sous-marine. Mettre l'échelle à l'eau ? Ouais. Ici, il faut faire attention avec le câble. D'accord. L'épave sur laquelle on descend, là, les trémiers, c'est ce qui s'appelle Ponte Junqui Est. C'est l'épave pour laquelle on n'a aucune image. Je n'ai que quelques mots qui me l'a dit Guido. C'est-à-dire que lui a vu des amphores à fond plat, qu'il a, pour lui, c'est des amphores gauloises. Donc, on n'a aucune idée de la dimension. C'est quand même une épave romaine, donc qui est assez plat. Il m'a dit que certains amphores étaient cassés, donc il y avait un passage de filet, au moins des filets, probablement des chaluts, et basta. C'est tout ce qu'on sait, qu'on connaît à part la profondeur. Donc l'idée, c'est un peu comme d'habitude, de faire tous les tours à l'extérieur, un prénom, quelques points, pour avoir au moins une idée approximative des dimensions. Et après, de se peut-être concentrer sur des éléments qui pourraient, moi, m'aider à dater. Donc, on ira sur des points précis. Éventuellement, si on voit que c'est vraiment important et que ça nous permettra de trancher sur les productions, sur la datation, on peut prendre un col. Franca Tibecchini, archéologue spécialisé dans le commerce antique. Il va falloir qu'on envoie quelqu'un à l'eau et tout. Et là, je voudrais vraiment qu'on en fasse trois aujourd'hui pour tenir la cadence. Sinon, demain, elle a des trucs à faire à terre. Nous, on a de la recherche à faire plus sud. Par contre, un col, c'est facile, c'est léger. C'est, tu vois. Exact. Bon, là, je suis devant le rove, qui est en fait un cube, un peu plus d'un mètre cube, qui est jaune en haut, qui est bourré d'électronique, il y a des fils partout. Il a deux gros yeux devant, les caméras, avec de l'éclairage à chaque côté, et deux petits yeux au milieu, avec d'autres éclairages, qui lui servent de savoir où il va. Ce matin, ça va être vers 400 mètres de fond, avec ses petits propulseurs, et tout le temps il est soutenu par son cordon ombilical, un gros câble jaune qui lui est enroulé derrière, et il y a quelqu'un qui appuie sur un bouton pour descendre et remonter ce câble à fur et à mesure que le rov descend. Et puis à partir du moment où il est dans l'eau, tout le monde se précipite à l'intérieur, regarder les caméras, regarder les petits poissons défiler sur les écrans, en attendant que le rov il atteint l'épave au fond. Et ce matin, on espère que ça va être des amphores. Tout le monde me dit « Ouéa », mais est-ce que vous pouvez me dire ce qu'on voit là ? Là, ce qu'on voit, c'est une cargaison qui s'est répartie. Il faut imaginer la forme de la coque, le bateau s'est ouvert, et toute la cargaison s'est répandue. Donc ça donne cet impérable. Là, on fait des limites. Le site est totalement vierge, il n'a pas été touché. Il a touché le fond de la mer. Tu les prends tout seul Et pour là, on repart pour ramasser les carages. Donc, comment vous avez découvert, Franca, ce tumulus? Cette découverte a été effectuée par cet ingénieur, Guido Gai, qui testait ses appareils scientifiques et qui est particulièrement bon, on peut le dire, pour détecter des anomalies, même très petites comme celle-là, sur ces types de fonds marins, très plats, très vaseux. C'est comme ça qu'il nous a après déclaré, selon les règles de la loi, la découverte de l'épave. Malheureusement, elle est très abîmée par les passages de chalut, les passages anciens. Mais moi, je pensais qu'elle était un peu plus grande parce qu'on parlait d'une dimension autour de 20 mètres. De fait, les 20 mètres, c'est que la dispersion du matériel effectuée par le chalutage. C'est quand même très intéressant parce que le type d'amphore, c'est un amphore particulier. C'est des amphores que nous appelons Gauloise 5. Et disons, c'est des amphores qui transportaient du vent gaulois produit dans la Gaule du Sud, la France, la Provence, la région des Bouches-du-Rhône actuelle, et qui sont très intéressants parce qu'on a très peu d'épaves. On trouve ces amphores à partir du milieu du 1er siècle après Jésus-Christ dans les grands centres italiques, Rome avant tout, mais on ne connaît pas trop bien comment ils arrivaient à Rome. Bien sûr, par voie maritime, mais on n'avait pas beaucoup d'épaves homogènes chargées que de ces types d'amphores, comme on les a pour d'autres périodes. Et là, on commence à en trouver, tous à grande profondeur, et donc on commence à penser qu'effectivement, ils devaient suivre une route différente par rapport à d'autres types de marchandises, par exemple les vents italiques transportés dans les Dresselhans. Donc c'est pour ça que j'ai commencé avec cette épave, parce que pour nous, c'était très important d'un point de vue scientifique, vérifier qu'il s'agissait vraiment de ce type d'amphore. Il est reparti, hein, le téléphone. Où ira cet amphore? Il se peut qu'elle termine dans un endroit appelé le dépôt des milles. Derrière une plaque discrète au fond du pôle d'activité d'Aix-en-Provence se trouve un immense hangar. Vous avez toutes sortes d'amphores ici qui sont très différentes, qui représentent 8 siècles en fait de navigation. Vous avez les plus anciennes qui sont par exemple, ça c'est une amphore massaliette, donc qui est du 5e siècle avant. Florence Richer y est responsable de la documentation du drasme. Et puis, vous avez celles-là qui sont des amphores espagnoles du 1er siècle après. Et vous avez là-bas des amphores africaines qui sont très, très, très longues, cylindriques, et qui sont du 4e siècle après. En général, on a tout ce mélange qui sont... Et l'idée, effectivement, donc tout est numéroté, et c'est classé, donc toutes les étagères sont numérotées également, et on a une base de données avec le numéro et le classement. Je dois dire, c'est encore plus impressionnant que ce que j'ai imaginé, parce qu'il y a des rangées et des rangées, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 rangées, empilé avec des amphores de toutes sortes, avec des lingots, avec des caisses en bois qui ont tous des petits numéros dessus. Et c'est un hangar immense. On a à peu près 50 000 objets répertoriés dans le dépôt. De l'autre côté, c'est le service régional de l'archéologie. Et au-dessus, on a une mezzanine avec les objets plus petits, la céramique, tout ça. C'est franchement, c'est l'histoire de la Méditerranée là, que vous avez empilée ici. Du début de l'archéologie sous-marine, absolument. Tout ce qui est là, voilà, c'était des collections historiques qui étaient entreposées dans des caves, dans des salles invraisemblables, dans des escaliers, dans des recoins au Fort Saint-Jean. Quand le service a été créé, dans les années 60, 66, mais même avant, quand les plongeurs trouvaient des amphores, ils les apportaient à Benoît et au Fort Saint-Jean. Donc on a essentiellement des amphores, parce qu'à l'époque, c'était ça qui intéressait les plongeurs. Donc les plus caractéristiques, c'est les Dresalimbées. Par exemple, ça, c'est une épave qui était à Antibes, qui s'appelle la Fourmixée. Donc ce sont des très très belles amphores. C'est les plus grosses et les plus caractéristiques. Elles mesurent 1,20 m, elles sont très lourdes, elles datent vraiment du 1er siècle avant. Et c'était les très gros porteurs de cette époque-là. Elles sont absolument magnifiques, là, ces amphores. Là, vous avez par exemple une épave d'amphore étrusque. C'est pas l'épave Grand Riboeuf, donc les amphores étrusques, on est au tout début du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et c'était une énorme cargaison, il n'y a qu'une petite partie qui a été sortie. Mais jusque dans les années 90, toutes les épaves étrusques qu'on connaissait, c'était des petits bateaux qui faisaient 12-15 mètres. Alors que celui-là peut faire. Il n'a pas été fouillé en entier parce qu'il est à 60 mètres et que c'est compliqué, mais il est estimé à peu près à 40 mètres. Donc ce qui est énorme pour un bateau de cette époque. En bas, des encres en pierre antiques. Difficile à dater les encres en pierre parce qu'en fait ça a été utilisé tout le temps. Donc on en a plusieurs aussi. Alors l'épave du Grand Congoué qui a été fouillée, la première épave qui a été fouillée à Marseille dans les années 50. Mais c'est pas Cousteau qui a fouillé le Grand Congoué ? Alors c'est Cousteau, l'équipe de Cousteau au départ, avec Fernand Benoît qui était le directeur des antiquités, qui était sur le bateau et qui vérifiait la sortie. Et malheureusement, comme les archéologues, ils n'étaient pas archéologues, ils étaient plongeurs, ils ont ramassé des amphores, ils ont trouvé du bois, ils ont pensé que c'était le pont, ils ont continué à ramasser des amphores, de la céramique, des amphores de la céramique, tout ça, et en pensant que c'était un seul bateau, et en réalité, il y avait un siècle d'écart entre ces amphores qui sont des gréco-italiques et les amphores Dresalaa, qu'on voit là-haut, qui sont beaucoup plus fines, qui sont les Dresalaa. Ça a été une très très grosse fouille et en fait le fait qu'il se soit trompé de façon comme ça en mélangeant les deux épaves, ça, je pense que ça a accéléré la création d'un service dédié avec des archéologues qui plongeaient eux-mêmes. Et là vous avez un petit centre de doc avec la France Inter. Voici Interactualité présentée par Michel-Pierre Texier. 1er septembre 1965. Sur la Côte d'Azur, des milliers de plongeurs ne se livrent pas à des observations scientifiques. Ils se contentent de rechercher les amphores et de les remonter à la surface. D'ailleurs, une loi a été votée pour régir cette pêche particulière et Jean-Paul Claustre a rencontré à Nice le conservateur du musée d'Antibes, M. Clergue. Tout ce qui est au fond de l'eau en ce moment, au point de vue antique, appartient à l'État, appartient ensemble au domaine public. Des privés, des particuliers n'ont pas quand même le droit de conserver des témoins de l'Antiquité qui ont une grande valeur. Et c'est pour cela d'ailleurs que le musée d'Antibes, le musée d'archéologie terrestre et sous-marine d'Antibes a été créé pour servir de dépôt de fouilles à ces objets. C'est cela, si un plongeur sous-marin trouve des amphores au fond de la mer, il est obligé de vous les apporter. Oui, il est obligé de les déclarer à l'inscription maritime qui, elle, l'apportera ici, à ce moment-là. On décidera si la valeur intéresse, si l'objet intéresse l'État. On donnera probablement, on s'entendra avec le plongeur pour une indemnité. Est-ce que vous en avez vu de ces pilleurs d'épaves ? Eh bien, mon Dieu, on voit bien quelquefois des bateaux, principalement des bateaux étrangers. Et ils sont au large, mais on les voit plonger. On ne peut pas empêcher de plonger. Et puis, une fois les objets remontés, le bateau s'en va. Nous avons bien les gendarmes en ce moment qui ont des canots automobiles pour poursuivre. Mais enfin, ça devient une petite guerre. C'est assez difficile. Et qu'en font-ils ? Ah ben, ils vont les vendre ou les garder pour eux. J'ai fait une remarque dernièrement à mon directeur de la circonscription qu'il y avait dans les hôtels et les restaurants de la Côte d'Azur presque autant d'amphores qu'au musée d'archéologie. Le DRASME, c'est un organisme tout à fait singulier, c'est ce qu'on appelle un service à compétence nationale. Michel Lourd. Qui a été créé il y a presque 50 ans, on va fêter le cinquantenaire cette année, en 2016, au mois de septembre, qui a été fondé par André Malraux, alors ministre de la Culture, et dont l'objectif est d'assurer le contrôle administratif et scientifique de l'ensemble de ce qu'on appelle les biens culturels maritimes. Donc c'est une notion très large, c'est-à-dire tout ce qui a un intérêt historique, archéologique ou artistique, qui se trouve sur le fond de la mer et dans l'ensemble des eaux, sous juridiction française, de l'Atlantique au Pacifique et de l'océan Indien à la Méditerranée, soit un peu plus de 11 millions de kilomètres carrés. On a un certain nombre de missions dans cette maison. L'une d'entre elles, c'est effectivement de dresser la cartographie des épaves ou du moins des biens culturels, parce que épave, c'est au sens où l'entend le public, pas juridiquement, mais au sens où l'entend le public, c'est un bateau. Alors nous, on peut travailler pour, au sens juridique, c'est aussi bien un objet isolé, une amphore perdue sur le fond de la mer, est une épave. Et il y en a de toute nature. Ça peut être des sites terrestres aujourd'hui submergés, ça peut être des épaves d'avions, ça peut être des véhicules blindés de la Seconde Guerre mondiale. Bah, tout ça constitue pour nous des épaves, et donc nous nous efforçons d'en dresser la cartographie, d'en réaliser l'analyse, l'expertise, puis de décider s'il convient de les protéger particulièrement ou même de les étudier directement, etc. Ça, c'est une première mission. Alors effectivement, dans ce type de mission, on est régulièrement, un peu moins maintenant parce qu'on est attentif, mais on est confronté parfois à des déprédations. On constate que d'autres sont arrivés avant nous, les ont pas déclarés, ont entrepris de récupérer les objets les plus significatifs, les plus symboliques ou ceux qui ont à leurs yeux la plus de valeur marchande. Donc ça, c'est du pillage, et du même coup, il y a effectivement une part du métier qui est d'assurer la protection de ce patrimoine sous-marin. Alors je voudrais bien te demander, Jean-Pierre Jancheret, j'ai vu le dépôt des milles, j'ai vu de tous ces amphores empilés sur 8 étagères de haut, sur des centaines de mètres de long. Et je me suis dit, quel dommage, qu'est-ce qu'on peut en faire de tout ça? Alors là, je vais traduire l'opinion de la majorité des plongeurs, que je partage aussi. On aurait mieux fait d'en distribuer une partie aux gens qui étaient valables et aux gens qui le méritaient. Quand on voit le nombre d'objets archéologiques qui se vendent dans les salles des ventes, qui se vendent chez les antiquaires, du moment que ça vient de sous l'eau, il n'y a aucune possibilité d'avoir des collections d'objets archéologiques sous-marins. C'est pas normal, ça. Alors qu'à terre, quand on trouve, j'en ai parlé, quand on trouve quelque chose, on peut le mettre en salle des ventes. Ce qui peut arriver de mieux à une amphore, c'est d'être bien exposé, d'être chéri par son propriétaire, au lieu d'être au froid dans un dépôt sous la poussière. Est-ce que tu n'as pas envie de garder parfois les objets que tu remontes pour... Est-ce que tu ne sens pas frustré d'être obligé de les donner à l'État? Non seulement j'ai envie, mais j'en ai gardé déjà pas mal. Il y a eu une époque rêvée où c'était la loi Malraux, c'est André Malraux qui l'avait édicté, où chaque inventeur, découvreur d'épaves, avait été intéressé par ce qu'il trouvait. C'est intéressé au point de vue d'abord intellectuel. On l'intégrait dans l'équipe de fouille, quand c'était en général même, c'était lui qui fouillait sa découverte. Et ensuite, la loi Malraux avait prévu une indemnité pour tous les plongeurs. Une indemnité qui est dans la nature, ça pouvait être des objets de fouille justement, comme dans les fouilles terrestres, et la quantité était terminée par l'autorité administrative. Donc avant 1989, il y avait environ 100, 200, 300 déclarations d'épaves et d'objets par an. On était intéressés, donc on déclarait. Ensuite, en 89, Jacques Lang a trouvé une nouvelle loi. Tout appartient à l'État. Résultat de 300 déclarations par an, on est passé à 10 déclarations par an. Carole, tu viens dans mon jardin, je t'invite, tu viens dans mon jardin, tu te promènes, tu fais un petit trou dans le jardin, tu trouves 10 pièces d'or. Sais-tu à qui elles sont, ces pièces d'or? Il y en a 5 pour toi et 5 pour moi qui suis le propriétaire du jardin. D'accord? Carole, tu vas plonger au large avec moi. Tu fais un petit trou, tu trouves 10 pièces d'or. À qui sont ces pièces d'or? Intégralement à l'État. Alors je regrette, mais tu serais tenté de mettre les 10 pièces d'or dans ta poche. Michel Lourd, pourquoi si je trouve une pièce de monnaie dans mon jardin, je peux garder la moitié? Pourquoi si je le trouve dans la mer, je ne peux pas la garder du tout? Le fondement du droit français relatif à ce que les gens appellent les épaves, hein, même si nous on appelle ça des biens culturels maritimes, c'est le droit romain qui considérait que le naufrage ne valait pas rupture de propriété. Donc on était propriétaire à la surface, on était donc propriétaire de l'épave au fond. Et du même coup, lorsque ce propriétaire a disparu, c'est vrai pour nous aussi, hein, le bien en fait devient la propriété de l'État. Si vous disparaissez demain sans héritier, c'est l'État qui devient de fait votre propriétaire. Et donc il en est de même pour les épaves. Et cette législation, le droit romain, après bien des vicissitudes au Moyen Âge, a été reprise dans un premier document juridique établi sous François Ier en 1543, puis confirmée dans la grande ordonnance de la marine de Colbert au XVIIe siècle, et donc de facto, en France, l'État est à la fois responsable de la sécurité, de la valorisation et donc de l'étude du patrimoine immergé, y compris d'ailleurs, nous avons la responsabilité de retrouver, s'il y a lieu, le légitime propriétaire d'une épave. Et lorsqu'il n'y a pas de propriétaire légitime, de toute façon, lorsque nous en réalisons la fouille, les collections que nous extrayons de ces sites, elles sont remises dans des musées. Le problème, Michel Lourd, c'est deux choses. D'abord, qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça? Et puis deuxièmement, est-ce que vous trouvez que c'est pas triste que la personne qui trouve son épave, il peut même pas avoir un petit morceau chez lui? Au moment où la plongée autonome a pris son essor, après la mise au point du scaphandre autonome par l'ingénieur Émile Gagnon et par Jacques-Yves Cousteau dans les années 40, il y a eu floraison de découvertes d'épaves en Méditerranée française, et pas seulement. Mais il y a eu un pillage absolument éhonté, et toutes les épaves qui étaient relativement accessibles, il faut imaginer qu'ensuite il s'est passé près d'une vingtaine d'années avant que l'archéologie sous-marine officielle soit fondée. Donc auparavant c'était un peu le champ clos où tout le monde se servait. Ce qui fait que à partir de 1966, quand les archéologues officiels sont intervenus, ils sont très souvent intervenus sur des épaves qui avaient été véritablement vidées de leur contenu. Donc cette image que nous serions à la tête d'un échantillon absolument fou d'amphores ou de mobilier, elle est fausse. On en a beaucoup moins que ce que les gens pensent. Il était une époque où on sortait à peu près ce qu'on avait sous les yeux, qu'on voulait étudier, qu'on ramenait à la surface sans trop se préoccuper de la conservation et la restauration. Ça, c'est plus du tout possible aujourd'hui. Donc, très fréquemment, sur les épaves, nous ne sortons que des objets dont nous savons comment nous allons assurer le traitement, et donc dont nous savons ce que nous allons faire, c'est-à-dire dans quelle vitrine de musée on le mettra un jour. Et ça a amené à une politique relativement malthusienne, c'est-à-dire qu'on ne ramène pas au jour tous les objets qu'il y a sur une épave, juste parce que c'est là. D'abord parce que leur meilleure protection à ces mobiliers archéologiques, aujourd'hui, c'est de rester sur le fond de la mer. Au sous-sol de ce superbe immeuble du Drasme à Marseille. C'est marqué salle archéologique. Alors je vais chercher quelqu'un pour m'expliquer ce qui se passe. Nathalie, tiens. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Alors ici c'est la salle de dessalage des objets archéologiques. Nathalie Huet. Donc quand les objets archéologiques arrivent du chantier de fouilles, on les amène ici, et quand c'est des céramiques et du métal, on les met dans des conditions pour les conserver sur le long terme. Et pour les céramiques, on les met à dessaler. Donc on va les mettre dans de l'eau pure et attendre que le sel s'extrait. Et ça prend combien de temps? Ça prend plusieurs mois. Donc ça peut prendre jusqu'à 5-6 mois de dessalage avant que l'objet ne soit plus fragilisé par les sels et qu'il n'y ait plus risque que les sels cristallisent à la surface et endommagent la surface. Et là, vous avez deux canons en alliage cuivreux qui sont en attente d'être emportés vers un laboratoire de restauration. Les objets saisis, vous les avez aussi à traiter ou pas? Ou ça part direct au dépôt? Pour ce qui est des objets métalliques, c'est des procédures assez compliquées. Donc en général, les pilleurs ne sont pas équipés pour faire ce type de traitement. Mais pour des objets minéraux type la pierre ou la céramique, c'est du dessalage, comme je vous l'ai dit, en eau pure. Donc la plupart du temps, ils savent faire. Et donc, pour les objets qui viennent de pillage, on peut avoir à faire le traitement, mais il faut la plupart du temps que le procès ait déjà eu lieu. Et que, sauf si les objets sont vraiment en danger ou on obtient une levée des saisies, mais sinon, on est obligé d'attendre que le procès et le verdict soient rendus pour pouvoir trouver un musée qui voudra bien faire le traitement de ces objets. Et Florence, les morceaux de bois, c'est quoi ? Alors ça, je pense que c'est des morceaux qui viennent de l'épave du Juste à Saint-Nazaire, qui était conservé dans les réserves du musée de la Marine. Et comme le musée de la Marine a fait un grand ménage, un grand déménagement, et voilà, et on les a récupérés pour les stocker ici. Donc le Juste, il était dans la vase de la Loire, et donc c'est pour ça qu'il est plutôt bien conservé. Enfin, le bois est plutôt bien conservé. Florence Richet. Et là, au bout, on arrive à un endroit où il y a deux canons saisis chez des particuliers, mais les canons n'ont pas été traités. Et quand on les a récupérés, de toute façon, c'était trop tard. Ils étaient attaqués. Et donc celui-là, il fait encore un peu illusion, mais l'autre est complètement. Voilà, tombe en poussière. Voilà. Voilà. Vous avez toute cette hauteur, tous ces cartons qui ont été saisis en 2007. Et le procès a eu lieu il n'y a pas longtemps et ils ont été condamnés lourdement. Et à l'époque, donc, quand il y a eu la saisie, les douanes judiciaires nous avaient demandé de venir. Et on avait fait un inventaire des choses. Donc moi, j'ai toutes les photos avec les numéros de ces lots. Maintenant que le procès a eu lieu, on va basculer cet inventaire dans notre base de données nationale. Et ça fait partie donc des biens culturels maritimes. Michel Lourd, est-ce que vous retombez chaque fois sur les mêmes qui pillent les épaves, qui sont des obsédés autant? C'est les flics et les bons et les méchants, quoi. Est-ce que vous êtes toujours confronté aux mêmes gens? Alors, le monde de la dégradation des épaves qui peut être multiforme, mais si on parle de l'aspect pillage, je ne parle pas de la destruction, par exemple, qui peut être occasionnée par le passage d'un chalutier sur une épave. On y trouve évidemment, il y a le pillage, je dirais, du quotidien. Monsieur tout le monde qui plonge sur une épave, qui prend un simple objet, parfois un simple tesson, juste dans l'idée de la collecte, le petit souvenir qu'on ramène et qu'on gardera sur le bord de la cheminée. Donc, et dans la tête de celui qui prélève, là, il se dit que c'est finalement une vraie innocuité, quoi. J'ai pris un tesson, j'ai pris trois fois rien. Le problème, c'est qu'il est peut-être d'abord, il a peut-être pris un fossile directeur qui aurait permis de mieux situer chronologiquement le site. Donc, parce que bien souvent, il prélève, mais sans être un connaisseur de ce qu'il prélève. La deuxième chose, c'est qu'on imagine, il y a grosso modo 150 000 plongeurs en France chaque année. Donc, si chacun d'entre eux prend un petit morceau sur une épave, ben, l'épave va disparaître très rapidement. Hein. C'est donc là, on peut pas considérer qu'il n'y a pas un effet lié à ce petit larcin qui semble un petit larcin du quotidien, mais qui globalisé et ramené à la collectivité globale fait disparaître un site. Évidemment, au-delà, on a des gens qui sont un peu plus méthodiques, qui assez régulièrement vont se téléphoner, vont plonger sur des épaves, parce que ce sont des fanatiques de la plongée ou de l'épave, et qui parfois dérivent vers le prélèvement, avec des prélèvements un peu plus conséquents, parce qu'ils sont mieux équipés, plus expérimentés, ils sont plus nombreux, parce qu'ils se regroupent entre eux, donc développent des moyens spécifiques pour le faire. Ça, c'est une source évidemment d'inquiétude pour nous. Après, on a directement des réseaux. Des gens qui sont obsessionnellement tournés vers le pillage de l'épave, et ça va jusqu'à à l'échelle de la planète et pas seulement à l'échelle des eaux françaises, mais on va jusqu'à des opérations véritablement commerciales menées avec des équipements qui peuvent être des robots, etc. Donc là où on associe des gens qui ont de la très haute technologie, des moyens financiers avec un souci de rentabilité, donc des opérations purement commerciales où il s'agit de récupérer le plus de choses en allant vite. Donc on peut imaginer que le souci de l'archéologie là est quand même totalement inexistant dans leur tête. Lorsqu'on a des éléments pour le faire, on saisit la justice. On ne saisit pas nécessairement la justice pour un plongeur du dimanche ayant trouvé un objet, mais on le fait régulièrement pour des opérations qui touchent à des réseaux. Est-ce que tu penses que l'essor de la plongée loisir a fait en sorte qu'il y a de plus en plus de pillages d'épaves dans la région? Non, je ne pense pas du tout. Luc Vanrel. Au contraire, elle l'a limité parce qu'aujourd'hui, la plongée étant très encadrée au niveau de sa formation, dans la formation, passent les bons messages aujourd'hui. Et donc je crois qu'au contraire, la situation s'est grandement améliorée. Et quand on explique correctement aux gens que le patrimoine national, c'est notre patrimoine à tous, et que le capter, c'est le voler à tous les autres, et leur expliquer qu'un site archéologique qui peut se visiter, qui est en état, qui est beau, c'est bien, un site pillé, c'est une catastrophe, il n'y a plus rien à y voir, plus aucune information scientifique à retrouver dedans. Tout ça souvent pour des petites collections médiocres que l'on va garder chez soi, que les plongeurs d'antan gardaient chez eux, et qui vont passer aux ordures le jour de leur décès, parce que ça n'avait de valeur sentimentale qu'à leurs yeux, et pas du tout pour leurs enfants, leurs descendants ou autres, qui considéreront que ce sont des vieilles cochonneries qui prennent la poussière et de la place dans les vitrines. Or, c'est souvent le simple fait de ramasser ces quelques tessons modifie le site et donc son intérêt scientifique. Il est donc excessivement important d'éduquer les plongeurs, à mes yeux, plus qu'à interdire les sites. C'est pas compliqué. Moi, chaque fois que j'ai pu rattraper des gens qui étaient à la limite du pillage et de la passion, de leur dire « mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Passe les qualifications nécessaires. Propose-toi comme bénévole sur des chantiers de fouilles. Tu vas participer à l'aventure scientifique. Ça va être beaucoup plus passionnant que de collectionner quelques tessons et de perturber un site, voire de ramasser quelques amphores. Quelques amphores, on pense tout de suite au profit. Donc, se dire « tiens, ben, j'utilise mon matériel, et si je considérais que la mer me rend une juste contrepartie ?» C'était le temps des pionniers, ça, cette mentalité. Il n'a plus possibilité d'exister aujourd'hui, on est trop de pratiquants. Et si on explique vraiment de façon posée, c'est le patrimoine de tous les citoyens. Ce n'est pas le patrimoine de l'administration, c'est celui de la nation française. C'est notre passé, notre histoire. Le prendre, c'est quand même plus gênant. C'est comme aller voler dans un musée. Chasseurs et pilleurs d'épaves en Méditerranée. Avec Aude Rasme, Michel Lourd, Florence Richer, Nathalie Huet. Sur l'André Malraux, Denis Metzger, Franca Cibecchini. Les chasseurs d'épaves, Jean-Pierre Jancheret, Luc Vanrel. Prise de son, Serge Jakubowski. Archives, Aurélie Marcé. Attaché de production, Marivonne Abolivier. Mixage, Claude Nior. Un documentaire de Carol Pyther, réalisé par Renaud Dalmar. Nous continuons demain notre série consacrée aux usages de la mer dans la fabrique de l'histoire en nous intéressant à la façon dont les gens peuplaient les rivages avant la grande vague balnéaire. Quel rapport entretenait-on avec la mer? C'est la question qui sera posée à Emmanuel Charpentier et à Alain Camantous. Et pour tous ceux qui ont aimé le documentaire de ce jour autour des chasseurs et pilleurs d'épaves en Méditerranée, vous pouvez bien entendu le réécouter sur le site internet de France Culture et sur ce site, à la page du jour, eh bien vous aurez également Luc Vanrel, que vous avez écouté dans ce documentaire, qui nous raconte comment il a retrouvé l'avion dans lequel Saint-Exupéry a péri pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une sorte de bonus à cette émission du jour. On se retrouve demain.